Mais mes tableaux, ils prennent beaucoup. Je prends beaucoup de temps avec mes tableaux, en fait. C'est pas une chose faite vite fait. Mais j'aime bien que ça avance. Yeah. Mais je suis anglais. Mm-hmm. J'étais né en 1950. Et c'était la belle époque. l'époque pour... Je suis de classe ouvrière. Thank you. qu'il n'y a pas d'agent de service à la radio, ni de femme de ménage. Notre assoc est autogéré et le ménage est une tâche collective. Bah tu écoute, moi je passe l'aspi et tu serpilles derrière. Ok, ça marche. Jamais laisser aucun répit à la poussière, quitte à parfois brasser un peu, quitte à repasser là où on est déjà passé, mais il faut toujours jamais s'arrêter. C'est une technique que j'ai appris quand j'étais manager chez McDonald's, parce que l'hygiène dans la restauration, c'est quand même c'est avant même la nourriture, c'est l'hygiène. May your trails be crooked, winding, lonesome, dangerous, leading to the most amazing view. May your mountains rise into and above the clouds. May your rivers flow without end, meandering through pastoral valleys, tinkling with bells past temples and castles and poets' towers into a primeval forest where tigers belt and monkeys howl through abysmal and mysterious swamps and down into a desert of red rock, blue mesas, domes and pinnacles and grottos of endless stone and down again into a deep, vast, unknown ancient chasm where bars of sunlight blaze on profile cliffs, where deers walk across the white sand beaches, where storms come and go, lightning climbs upon the high crags, where something strange and most beautiful and more full of wonder than your dreamiest dreams wait for you beyond the next turning of the canyon walls. Beyond the turning, I'll find myself. Going my left to everyone. Broken scars beneath my feet. Where is my love? Est-ce qu'on peut dire que tu traques la poussière comme l'armée française traque les terroristes ? Just got. Il faut bien doser. Hein. C'est important parce que sinon ça attaque les sols. Comment ? L'ino, là, les sols plastiques, c'est corrosif ce truc. Hein. Ouais. Addiction was the only thing he knew.

Évidemment, il est incapable de prouver quoi que ce soit. Thank you. Il devrait finir par s'excuser, invoquer l'erreur, résultat d'une fâcheuse ressemblance. Mais est-ce qu'on ne sait jamais ? Some bones as a token. When you're on the trail, on the trail, you gotta watch for them holes. When you're riding, when you're riding, I want the wrong step can be your soul. You gotta keep that old moon between thank you. that full moon fool you. Can never be the daylight. Throwing shadows all around, never forget still the night. 'Cause when you're riding, when you're riding, there's one wrong way and one right. Everybody won't live. No one gotta die. You gotta keep that open thing at you and around. Keep that open thing at you and around. Gotta keep that open thing at you and around. Keep that open thing at you and around. Keep that open thing at you. Besoin d'argent, voilà le mot lâché. Explose électrique, mutant métallique, tu agresses la ville, tu violes, tu détruis. Panique, panique, panique, panique, Point, Fighting Techno Nights. Et d'autres encore qui simulent de ne pas être les hommes du contrôle. Mais tout ceci est vain, inutile d'armer ou d'amorcer. Fighting Techno Nights. Être comme il faut. Règle sans exception. Les hommes dont il ne faut pas ne peuvent jamais être comme il faut. Got ourselves in. My, my, oh, what a thing. My, my, oh, we got ourselves in. Hold on, baby, to the end. Par conséquent, conclusion, élimination immédiate et sans passe-droit de tous les gens supérieurs. Un homme comme il faut doit être avant tout un homme comme tout le monde. Yeah. Semblable à tout le monde, plus on est comme il faut. We'll be right back. c'est le sacre de la multitude. You look so good to me, girl. y a déjà 2 mois que je n'ai pas travaillé. 2 mois qu'avec Mégotti, j'ai dérobé au train rapide entre de Calais et Paris 700 000 francs de titres. For the gods they made. conundrum is to find a cure for AIDS. And you computer nerd masturbators, one day it might get late. Well, I'm looking through your windows and I can see your very bold font. Yeah, postcard from the king, that's the only mail I want. Être habillé comme il faut, parler comme il faut, manger comme il faut, marcher comme il faut, vivre comme il faut. Mais j'ai entendu cela toute ma vie. Surprise. Strange love, I know you never leave.